Les hommes naissent libres, égaux en droit, et le reste tout au long de la vie. Leur volonté s'exprime par la loi, et la loi les protège et les punit. Mais c'est bon là que ne parlez pas ce matin. Tout homme est libre de ses opinions, ses pensées religieuses et civiques, du moins tant que leur manifestation ne met pas